Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème 83. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut. Mais Mathieu Bouillon. Salut Fred, Antoine et Jean-Philippe. Salut. Salut vous trois. Hey, on a plein de commentaires sur notre podcast la semaine passée. Oui. Ah oui. Ouais. Comme quoi, c'était le fun. D'avoir un spécialiste. Hey, vous me croirez pas, je me suis blessé. Non. Ouais. À la cheville. Vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Un mouvement de danse un peu complexe. Oh mon œil. Tcha-tcha-tcha. Je pas. Hey, je danse, mon gars. Oui, oui. Ça, là, je suis blessé, mais je vais te montrer des moves. Oui, oui. J'ai bien hâte. Dans trois semaines. On m'a dit que tu avais dansé dans le nouveau clip de Mitsu, On vole, hein? Oui. Le succès de l'été. Oui, à l'arrière. On sait pas que c'est dans les nuages. On devine une forme. L'été, je ne sais pas quelle année, mais l'été. Oui, l'été. Oui. C'était en deuxième place après C'est chaud. C'est chaud. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire, messieurs? Sur le podcast la semaine passée? Non, non, je cherchais les commentaires. On avait des nouveaux commentaires sur iTunes, mais je vais aller... il y en a eu trouver, un positif qui est sorti. Je reparlerai après. Oui, on n'a pas parlé la semaine dernière, non. Mais on cherche toujours à être le podcast numéro un francophone. Mmh. Je sais que ça fait un an que je tanne tout le monde avec ça. Faut qu'on ait juste à régler ça, à le devenir, j'en parlerai plus jamais. Oui, c'est ça. Let's go! Ouais. Let's go, les paresseux! Oui. Faites taire, Antoine. Dites à vos amis d'aller voter pour nous. Oui, pour l'amour. Puis aidez-nous aussi à trouver un barème pour juger comment est-ce qu'on est le podcast. Oui, c'est vrai ça, Mathieu. Il n'y a rien qui l'indique. Selon c'est moi, clair. Dans les 10 meilleurs au monde, selon mon évaluation. Mm-hmm. Ceci dit, les gens attendent de nous qu'on règle des problèmes. Ouais, on a 47, 5 sur 5. Wow. Et zéro autre chose. Ouais. On arrive à les effacer. Hey! On s'est trouvé un glitch. 235 étoiles. Ouais. Hey. Tabarnak! Hey! Ah. Oh, excusez! Oh! J'essayais de faire un lien avec notre problème d'aujourd'hui. Yeah, bon, ça serait un bon titre dans le voir pour le problème qu'on a là. Ah ouais? Ils font toujours des jeux de mots. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein. Mm-hmm. Tabarnak. Tu y vas? Ben oui, pourquoi pas? Mon ami Jean-Philippe. Un problème qui nous vient de M. Martin Frankland. Cher, pas de problème. Tout d'abord, merci pour votre excellente balado, à la fois divertissante et informative. Arrête ça. Sauf Antoine. Mm. Voici mon problème. Depuis que j'ai quitté le Québec il y a quelques années, j'ai tendance à sacrer, chose que je ne faisais pas avant. Mm. Le fait que personne autour ne comprenne enlève la pression sociale et banalise la chose. Toutefois, je trouve cela vulgaire et abrutissant, et j'aimerais arrêter, comme Antoine. Comment faire? P.S. Conservez votre bonne attitude de ne pas sacrer en onde. Ah, ben hein, Fred? Non, mais on tient à préciser que cette semaine, ça risque d'être... On en va en entendre. Ah non, c'est clair qu'on va sacrer, Carlis. Ça va être une calice. Ça va en être une calice. Même que ça... ça n'aura même plus de sens après. Ça n'aura plus de sens. Non. Ouais. Le sacre. Oui. Hey, vite, là, il en manque peut-être. Oui. Baptême. Bâtard, mais encore là, j'ouvre une parenthèse. Ouais. Bâtard, c'est soft. Calice. Ah. Mm. Calvaire. Oh. Ciboire. Oh. Chris. Oh. Maudit. Mm. Moses. Oh. Hostie. Oh. Sacrament. Sacrant. Saint-Crème. Simonac. Tabarnac. Torieux. Vierge. Il y en manque plein, non? Oui, puis on peut tous avoir la même valeur. Là. Ouais, non, mais c'est juste pour partir les gens dans leur voiture. Mm-hmm. Qui... Ah, il y a manqué un tel, il y a tel qui manque, cela pourra pas. Évidemment, la plupart du temps, inspiré par la religion catholique. Mm-hmm. Évidemment, c'est typique aux Québécois. Hein. Et sinon, ben, je vous réfère évidemment à l'œuvre de Jean-Pierre Pichette aux éditions 15, le guide raisonné des jurons. Il fait vraiment une explication exhaustive. Un crisse de bon livre, hein? Sacrement. Bon, la cymbale. Il a sorti la cymbale. Ouais, bon. Serre ça, tabarnak. Hey, vas-y, monsieur. Ouais, j'allais dire, moi, mon premier réflexe par rapport à ça, c'est penser qu'il utilise le sacre un peu comme à un lien à sa terre maternelle. Je suis d'accord, parce que le but du juron, ouais. Hein, si on le prend dans toutes les nationalités, c'est de s'exprimer spontanément et intensément. Ouais. Parce que le juron appartient à une culture. As-tu vu ça dans tes recherches? Non. Antoine. Alors, non, mais c'est vraiment culturel. Et il ne l'utilisait pas ici, mais là-bas... Il l'utilise. Donc, je suis d'accord avec toi. Je crois que le gros de la problématique, c'est vouloir s'affirmer, s'identifier en tant que Québécois quand il n'est pas chez lui. Non? Oui. Ben oui, il y a de ça, mais en même temps... C'est aussi un défoulement. Si personne te comprend, ça change bien aussi le sens de la patente. Non, mais ils vont comprendre, ils vont faire « Ah oui, c'est le Québécois! » Ouais. Ouais. Oui, parce qu'il y a... Tu sais, celui qui, qui ne cesse pas de dire... Oui, mais ça... Tu sais, celui qui est super vulgaire! Tabernacle! Mais ça va être moins offensant, sinon pas offensant pour eux, ouais. Les gens autour de lui, là. Mm. Il peut être au resto, il fait vraiment « Tabarnak, je vais vous prendre votre petit beau steak, Chris! » Et la personne fait « Oui, pas de problème! » C'est comme une mélodie! Si on fait ça ici, ben tu risques d'avoir des réactions. Ouais. C'est du caramel d'oreille! Cette idée aussi d'avoir la... C'est doux! La permission excellent. De sacrer. Ouais. Ben là, ils sautent là-dessus à pieds joints. Tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, il faut aussi se méfier du phénomène des Français qui trippent trop sur la culture québécoise. Oui, c'est ça. Dis encore ce drôle de mot. Dis encore. C'est comme. Faites attention, capables de dire ils nous écoutent. Hein? On leur dit bonjour. On dit, là, mais... Et surtout à un des Français préférés qui essaie toujours de faire. De dire tabarnak. Ouais. Il fait tabarnak. Okay, oui, oui. Ah, batarnak. Ouais, presque. Mm. Sur Twitter? Mm-hmm. Oui. Mais évidemment, on parle en anglais aussi. Mm. C'est fameux. C'est un petit peu différent, mais je pense que ça rejoint l'idée. On estime à 475 000 jurons par jour sur Twitter. Mm. Oh, wow. Mm. Oh, ouais, c'est énorme. C'est quelque chose, hein? Les jurons en anglais, qu'est-ce que c'est à part fuck? Fuck, ben, shit. On parle souvent des four-letter words. Ouais, OK. World. Pardon, pour les anglophones, on s'en retorche, on va être numéro un en francophonie. Ouais. ben oui, Fred en faisait quelques-uns. Fuck, shit, motherfucker. Non, c'est souvent relié crap. À la sexualité et ou les déchets. Défécation. Les caca. Crap, shit. Mm-hmm. Et. C'est les tabous hein, des cultures. Oui. Nous, ça a été la religion. Eux autres, c'est tandis qu'on peut parler de marde sans problème. Exact. Ouais. Ouais. Non, mais les Français, c'est... Nous, ça coûte la marde pour notre affaire. Putain, c'est comme leur hostie. C'est comme en Suisse, eux, leur intouchable, c'est Heidi. Donc, tous les noms des personnages de Heidi sont des jurons. Clara, je me suis fait mal. Peter. Moi, je trouve que c'est déjà ma solution préférée. C'est drôle, là. Un bon coup de marteau, c'est le doigt. Heidi! L'oncle de l'Alpe. Heidi, hi! Il y a la bonne vieille technique du pot. Ouais. Mais bon. Déjà sur Twitter, il y avait quelqu'un qui nous disait payer 2$ par sac à la longue, ça coûte cher. Exactement. Il y a une application Twitter. Kevin Bergeron. Une application Twitter à laquelle tu participes volontairement, c'est à chaque fois que tu as un juron, tu peux aller donner de l'argent à cette application-là qui va l'offrir à des œuvres de charité. Okay. Évidemment, tu peux instaurer ça à la maison, dans la famille, les colocs. Des cigarettes. Ça prend un prix quand même, un prix assez élevé, parce qu'un 10 cents, ça peut être insuffisant. Et il ne faut pas que le pot sert à quelque chose de positif, comme payer des vacances. Parce que là, tout le monde va sacrer en bûcheron, puis on va partir en vacances. Exact. Okay. Il sert à acheter un plus gros pot. Et il y avait cette publicité de Bud, là, qui est évidemment en ligne, qu'on peut retrouver sur YouTube, le swear jar de Bud. Ah oui, je me souviens. Où il part ça dans le bureau. Il dit, bon, là, à chaque fois que quelqu'un sacre ou swear, on met de l'argent dans le pot, puis ça va servir à quoi, cet argent-là? Ben on va acheter de la bière avec. Puis là, tout le monde sacre toute la journée dans le bureau, tout le temps. Ouais, bon, okay. Et donc, ça prend, c'est comme on donne à une œuvre de charité. Tu sais, une affaire poche, là. Mm-hmm. Qui fait que tu veux pas donner de l'argent dans le pot. Parce que tu veux pas donner aux œuvres de charité. Ouais. Tu veux garder ça pour aller en vacances. Puis t'acheter de la bière. Ouais, c'est ça. Kevin Beauregard. Ça serait t'acheter du linge, tu sais, parce que ce T-shirt-là, aujourd'hui, il n'y a pas de bon sens. Mais j'ai de la difficulté à lire ce que décrit. Mais approche-toi! Approche-toi, Mathieu. OK. Non, je... Capitaine. Je suis le capitaine de ton cœur, puis c'est un petit marin qui a les deux gosses à l'air. Non, je pense que c'est Paulo Noël. Ah oui, c'est Paulo Noël. Hey, c'est de moins en moins drôle. Kevin Beauregard sur Twitter... C'est pour ça, je vous le dis, dire les jokes. Kevin Beauregard sur Twitter qui a écrit... Qui nous a envoyé un lien. Éduque chien. Tu sais, les petits colliers qui donnent des charges électriques. Mm-hmm. Arrête! Mets ça dans le cou. Belle idée. Tu t'auto-buzzes. Oui. Mais s'il est hors de la province et qu'il sac en français, on s'en fout, non? À la limite, ça fait exotique. Il y a quelque chose. Ouais. Vas-y. Mais tantôt, on parlait de s'identifier, s'affirmer culturellement. Eh bien, peut-être... vu qu'il y a de la difficulté, lui, ici au Québec, oui. avec les gens qui sacrent, mais peut-être prendre des blasphèmes ou des jurons un peu plus colorés. OK. Parce que, justement, de nos sacres, baptême, calice, ciboire, calvaire, Christ, hostie, maudit, sacrement, tabarnak, Saint-Crème, Vierge. Oui. Il y a beaucoup de dérivés oui. qu'on peut aller voir sur Wikipédia. Moi, je sais que ma grand-mère disait Torbrûle. Mon Dieu! Il y a des ouais. affaires... Même sur Wikipédia, c'est écrit « Sacrifice oui. », parfois prononcé à l'anglaise « Sacrifice ».« Sacrifice ».« Sacoche ».« Sacoche ».« Mosune ».« Ostination ».« Steinbeur ». Ben oui, c'est ça. Peut-être y aller dans le ouais. le moins utilisé. Ouais. Ou puis... des noms de fromage québécois, hein, comme ouais, la pub. Comme Roche la bleue de... Mm-hmm. Ah oui, une affaire qui marche. Steinbeur, c'est clairement à Guy Fournier. Ouais, Motadine. Ouais, c'est ça. Peut-être Motadine. Aussi aller voir le dictionnaire à Guy Fournier. Complètement. Mais ça rejoint cette idée, et là, je ne dis pas ça à Martin directement, mais d'élargir son vocabulaire. Mm-hmm. Ouais, ouais, ou de transformer ses réflexes. Alors, reconnaître qu'on a un problème hein, de sacrage. Observer ses habitudes. À quel moment on sacre? Dans quelle situation? Ouais. Est-ce que quand on est exaspéré, envers toujours la même personne, votre conjoint, conjointe? Pourquoi vous voulez arrêter de sacrer? Mm-hmm. Faut identifier ça. S'engager envers soi-même. Mm. Faire ce pacte-là. Parce qu'il n'y a personne qui vous force à sacrer, c'est vous-même qui le faites. Hein? Ouais. C'est vraiment une question de volonté. Mm-hmm. On parlait de bon, vocabulaire, travailler ça. Oui. Chercher le support des amis et de la famille. Okay. Leur annoncer, j'ai décidé d'arrêter de sacrer. Ouais. Peut-être demander à Dieu. Pouvez-vous m'aider, Calice? Jésus. Jésus, mon Christ! Ouais. Trouver un substitut, ce que Frédéric ouais. disait. Mm-hmm. Donc, trouver d'autres mots, d'autres patois. Mm-hmm. Un mot que je ne suis pas capable de lire. Oh, punition. Oui. Récompense. Oui. Peut-être travailler là-dessus. Mm-hmm. On parlait du pot de change tout à l'heure. Non, mais... Et persévérer. Peut-être persévérer mettre de l'argent aussi. Pour chaque jour où tu ne sacres pas. Ah oui, c'est bon, ça. Et là... Tu achètes quelque chose de positif. Ça, c'est intéressant. Récompense. C'est bon, ça. Passer par... une crise de bonne bière. Peut-être qu'on pourrait inventer une patch à sacre. Mm-hmm. Tu sais, quand tu veux arrêter de sacrer, mais ça met quand même du sacre dans ton sang. Fait que, genre, tu sens moins le besoin de sacrer, mettons. Là, complètement. Mais vous, monsieur... C'est une crise. Oui. Je sais qu'avant ça, le sacre, c'était vraiment quand on était fâché, j'ai l'impression. Mmh. C'est un blasphème, je suis fâché, tout là, ça. Là, on l'entend en radio. Sauf que là, maintenant, c'est pour pimenter une anecdote ou pour dramatiser l'affaire, j'ai l'impression. Là. Puis c'est de plus en plus banalisé à la télé aussi. Ouais, moi, ça m'arrive souvent d'écouter des quiz où les gens sacrent là, allègrement en racontant une histoire, puis on n'en fait pas de cas. Contrairement aux Américains où dès qu'il y a un fuck de 10, c'est la fin du monde. Là, ouais. Comme celle qui l'a dit aux Oscars, là. Oui, exact, c'est ça. Je pense qu'il y a une pénalité financière, même. Quand un fuck faisait une émission, c'est pas une affaire comme 40 000 piastres. Il y a une espèce de... Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est... Sauf HBO. Les autres, ils crèment ça. Là. Ils carburent à ça, ils ont droit. Ouais. Est-ce que c'est la présence de l'Église qui diminue, qui fait que... Ça c'est peut, essentiellement hein. associé à ça. Parce que, tu sais, parce que dire marde, tu dis marde pareil. Là. Ouais. Complètement. Fuck, tu dis fuck. Au-delà de toute référence, tu dis fuck pareil. Mmh, tu dis fourré tout fort. Mais tandis que ça, c'est ce rapport-là à quelque chose qui existe. Trouver, il y a quelque chose de nouvelle tal. Ah oui, des noms d'oiseaux. Non, mais tu sais, c'est anges. Quoi nos tabous maintenant? Là? Insiste. Ouais, c'est ça. Mmh. Hey. Pédophilie. Salaire de mon collègue de travail. C'est un peu tabou quand même. TVA. Ça, news. On va en partir d'autres, c'est intéressant. Non, mais si on cherche... Si tantôt, on lui proposait d'élargir son vocabulaire de sacre, eh bien, l'application sur iPhone, Tabarnak, Dictionnaire des expressions Québec et Canada... Ah ouais, c'est drôle. À 1,99, ça a l'air vraiment... une application pour voler 1,99 à des Français. Ah, c'est drôle. Non, mais... C'est vraiment chercher, c'est fait par des docteurs en philosophie, je pense. Ouais. Mais non, ça me fait penser... Tabarnak dans le titre. Il y avait... c'est ça. Mais tu sais cet épisode dans Les Simpsons où Homer a élargi son vocabulaire avec des cassettes? Oui! En dormant. Mm-hmm. Puis il parle vraiment bien après. Ouais. Il n'y a plus recours, là. Ah, non. Ouais. Ah oui, ça, c'est bien. J'avais bien aimé cet épisode. Oui, c'était bon. Ça, puis le fusil là, qui tire du maquillage. Ah, c'est drôle, le shotgun, le maquillage. C'est le meilleur homme de Gedaï. Non, oui, Utiliser les expressions et les autres que des jurons. Mm-hmm. Hein? Ben, se faire comme entité, peut-être. Tu proposes à Pepsi. McDo, Pepsi, Nike, tu fais, regardez-moi. Très fort. À partir de maintenant, mon sac, ça va être Pepsi. Pepsi, oui. Puis je vais le crier, là. Mon Pepsi, tu sais. Mm. Ouais. Mon Pepsi, mais c'est pas Pepsi. Très vendeur quand t'es. Tu sais, tu le dis seulement quand t'es fâché. Ouais. En même temps, de la pub, c'est de la pub. Hein? Mon petit Pepsi, mon Pepsi à gueule. Non, mais dans une anecdote ben, où personne ne comprend rien, c'est dans ça qu'il parle de Pepsi. C'est un peu schtroumpf, là. J'arrive là, Pepsi, ouais, la fille. Ouais. Non, mais là, pour l'instant, ça ne veut rien dire. Mais tu sais, Chris, Chrissé, tu sais, ça a pris du temps. Ah, ouais, ouais, ouais. On l'utilise comme nom, comme mm-hmm. verbe, comme complément. Ouais. Ben, si on commence tout de suite à dire Pepsi, mais là, je ne dis pas Pepsi, mais à moins qu'ils ouais. nous envoient une offre monétaire, mm-hmm. ben, tranquillement, ça va s'intégrer. Puis, ouais. Tu sais, Kleenex, on le dit, là. C'est vrai. Puis frigo. D'ailleurs, je lance le défi aux gens dans les compagnies qui nous écoutent en oui. ce moment. On peut, nous, utiliser votre nom oui. pour oh, sacrer. La sonore de bonne idée. Oh, ça, ça, la semaine ça, prochaine, ça... tout le monde va dire Calinette. Oui. Calinette. Calinette. Mais c'est parfait, Calinette. Oui. Ouais, ça sonne. Ça fait comme calice, mais un peu... Un peu ça. Ouais. Propre. Mais tu sais, on a passé vite quand même sur les déclinaisons ma tante des oui. sacs. Là, oui. Parce que c'est Christophe tellement drôle. Christophe Colomb. Christophe Colomb. Tabarouette. Oui. Tabarnan. De plein. Moi, j'étais souvent Charlay. Charlay. Ah, c'est drôle. Mais diminué aussi. Astique. Hein? Astique. Tabarnique, hein, on disait ça. Ouais, mais c'est tabarouette puis tabarnique, là, je viens de réaliser. C'est-tu pour. Tes pour... lunettes puis ta brouette. Ouais, hein? C'est ça. Non, que... c'est tabarnak transformé. Ouais, non, je sais, mais est-ce que c'est justement genre tabarnak. Jeu de mots? Ah, ça serait tellement plate. Ah, c'est. Ben, je pense que c'est sûrement ça. Ouais, c'est sûrement ça. Ouais, on les coupe aussi des fois, non? Moi aussi. Barnac. Barnac! C'est drôle. Mais vous trouvez pas qu'il y a des sacres qui, tu sais, phonétiquement, sonnent moins agressifs que d'autres? Tu sais, tabarnak, ça sonne vraiment agressif. C'est le pire, je pense. Simonac, tous les cas, j'ai l'impression, sonnent vraiment très, très, très violents. Ouais. Ouais. Simonac, c'est quoi? C'est ciboire et tabarnak? Simonac, ça viendrait peut-être de Simoniac. Ah, okay. Qui est le commerce des objets religieux. Ah, wow, c'est ouais. bien bon, OK, wow. Comme Moses, ce serait peut-être Moïse. Moïse en anglais. Ouais, ouais. C'est ça. Ah. Torieux, c'est viennent, tort disent, à plus, Dieu. Ouais. Ouais. Torieux. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, mais il y en a des Français, là, des... de Dieu ou... Nom de Dieu. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon. Mais une chance au moins, bon, tu sais, que nos ancêtres n'ont pas mélangé sexualité et religion pour les sacs. T'sais, parce que ça serait dégueu de dire « plot à Marie, je me suis fait mal ». Mais je pense qu'on je le dis des fois, moi. Tu dis pas « plot t'as à Marie ». T'as jamais dit « plot hein? à Marie hey. ». À part quand Marie... Sinon, tu ouais. À part quand je sortais avec une fille, ça s'appelait Marie. C'est genre, ouais, vraiment. Plot. Oh! Oh! Arrêtez. Mais hey. C'était la sienne. Je pense que... Je par vais... le gland de Saint-Joseph d'arithmétique. Ça va être le seul, ouais. le seul podcast que je vais écrire, que je vais mettre... Petit avertissement? Oui. Ouais. Ouais, avec raison. Non, mais je pense que sur iTunes, on peut mettre explicit, là. Ah oui, on mettra ça. OK, ouais. Fait qu'on peut, on peut y aller, là. Oui, oui, on lâche en place. Crise de style, plot de tabarnak. Là, je mélange des affaires. Mais c'est là, non, on s'approche des humoristes, quand même, en humour, là. Oui, ouais, ça sacre. Ça ponctue surtout, avec des sacres tout ouais. le temps, là. Mm. Ouais. Pour faire rire, pour choquer facile, là, je pense. Oui, pour faire aussi ça le langage. Je sais pas. Je parle à mes chums, là, ouais. je raconte une anecdote, fait que ouais, je suis tellement ça... accessible, même si je suis Peter c'est McLeod. Ça, tu me connais pas, mais quand est-ce qu'on va avoir du fun? Ah, wesh. Ouais. Radio X, hein? Il y a peut-être prendre le vocabulaire du Capitaine Haddock. Lui, il en a beaucoup de oui, jurons. Oui, des beaux, ouais. Oui. Ben oui, quand... comme... Tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Mmh. Ouais. C'est coloré, ouais, c'est magnifique. Ouais. Ou des sacs de pirates. Mon là, anacolute. mille sabords de mille sabords. Ouais. Ou, ah ouais, là. Par là, Jupiter. Les gens vont triper. Tu m'as coupé. Sors de ma voiture. Bachibouzouk. Sacrebleu. Bachibouzouk. Là, tu t'en regardes vraiment, ouais, petite carte. Tabarplotte. Tabarplotte. Peut-être, justement, trouver le sax. Le sax. Non, le sax. Dans le studio. Le sac ultime, tu sais, en créer un. Mm-hmm. Puis faire, je l'utilise seulement quand... Tu sais, un peu briser la vitre, là. Cette situation-là, j'ai besoin du sacre ultime. Ouais. Tabarplot! Tabarplot, quelque chose. Hey, on peut faire des t-shirts. Tabarplot, moi, je pense que tu peux insulter plusieurs cercles d'amis. Ouais. Tu sais, comme, tu peux insulter ta famille, le travail. Tu sais, tabarnak peut peut-être passer où tu travailles. Tabarplot, moi. Ouais. Tabarplot, il y a les pannes aussi, ça pourrait être tabarpan. Tabarpan, oui, tabar. Qui est multiculturel. Oui, qui est encore plus insultant. C'est ça. Tabarplotte. Mais... je suis découragé. Hey, Eric, non, mais Martin nous envoie... on a des solutions, mais Martin nous envoie un problème qui nous dit, moi, j'essaie d'arrêter de sacrer tout ça, puis on en sort. On fait juste ça. Ben non, mais c'est ça, mais c'est l'exutoire. Ça va l'écœurer, peut-être. Faut se permettre. Écoute, moi, je sais que mon père, par exemple, ne sacre jamais, mais il y a des moments, tu sais. À la pêche. Il y a des lieux où il se fait, ben écoute, moi, je me permets ça à ce moment-là, dans ce lieu-là, la soirée. Tu écoutes, tu es dans la chambre des joueurs, je sais pas. J'y vais avec des clichés poches, mais j'imagine qu'on a des lieux comme ça, on fait, bon, là, je sac, puis de la merde. Ouais. Là, Martin, son problème, là, c'est que ça déborde, puis il perd le contrôle. Ben... Là, ça devient dans plein de milieux. Mon père, il vient d'Italie, puis il sac pas vraiment, mais quand on était petit, une fois, ma sœur a brisé son verre ou je sais pas trop quoi, puis elle a dit « calice » et on était bouche bée pendant 2 semaines. Parce que, justement, je pense que c'est la seule fois que j'ai entendu sacrer de ma vie. Mais tu fais... C'est ça. Si t'es la personne qui ne sacre pas, quand t'en sors un... C'est payant. Son méga impact. Ouais. Imagine s'il avait dit « tabarplot ». Tabarplot, je pense qu'on a ou le diminutif, barplot. Barplot. Oui, c'est ça, comme Frédéric Barplotchi. Lui. J'ai déjà entendu ça. Puis évidemment, s'il veut exprimer sa différence culturelle, il peut le faire différemment. Oui. Moi, par exemple, j'arbore régulièrement des T-shirts. Oui. Ça peut être, j'aime le Québec. Je suis une belle poutine. Ouais, comme ça. Ah oui, classique, hein? Il peut utiliser un vocabulaire québécois. Tu sais, je pense à des barbouillettes, là, ils disent pas ça en France. Oui. Stationnement, tu sais, tous des mots français, là. Mm-hmm. Fin de semaine. Ascenseur. Ascenseur, ils vont capoter. Magasiner. Oui, là. Chandail. Hein? What? La tellement médiévale. Quoi? C'est mon capoté, là. Parce que vous êtes colonisés. Du bar. Les cousins. Puis... Tu sais, je pense qu'il y a moyen quand même de garder, parce que c'est sûr que c'est tentant, je pense, pour lui, de garder cette couleur-là, cette particularité-là, mais trouver d'autres moyens, tu sais. Petite ceinture fléchée, un petit peu de sirop d'érable dans son lunch. Puis le monde va faire, voyons, il est donc bien spécial. Il est donc bien québécois. Puis arrêter de sacrer tabarploune. Il est donc bien un cliché. Tabarploune. Ben oui, un CD de Marie-Ève Janvier puis Jean-François Brault. Ben oui, parce que ça donne des situations cocasses. Des entrées en bonhomme carnaval lorsqu'il rentre dans une pièce. Là, t'as mimé que tu kicks ta main. Oui, j'ai kické ma main. Le sketch de l'escalier d'Olivier Guillaume. Ah, oh, ça, c'est un beau fleuron de notre culture. Il sac pas là-dedans? Non. Non. Il dit au moins un tabarploune. Ah, peut-être tabarplot au début. Sa femme dit barplot. Mais avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de fucking qui se sont insérés dans nos cercles d'amis derrière? Oui. C'était fucking nice. Ah, ouais? Ouais. J'ai pas remarqué. Non? Non? Ben non, j'ai pas tant d'amis d'une part. C'est ça. Tabarnoun, c'est comme pour pas dire tabarplot. C'est comme le petit frère de tabarplot. Non, mais c'est comme dire montadine, tu sais. Montadine. Tabarnoun. Jus de plot à Marie-Madeleine. Oh, Mathieu! Oh, Mathieu, là, c'est trop. Hey, on perd le contrôle complètement. Ouais, donc c'est ça, là. Ça serait en plusieurs phases. Jure. Est-ce qu'on est vraiment obligé de dire nos solutions préférées ou tout le monde, c'est tabarplot? Juste par main levée. C'était quoi au début? Je t'avais dit, Mathieu. Le mélange de... Plot à Marie? Non? Non, ouais, je sais plus. Je vais le réécouter. Tabarouette. La commandite. Je vais regarder la commandite. Hey, je vous rappelle que il reste que quelques semaines seulement pour proposer vos tabarplots de problèmes sur notre page Facebook pour être éligible au tirage d'un T-shirt. Oui. Pas de ta taille! Oui! Le T-shirt. Et commencez tout de suite à penser au 100e problème. Ouais. Parce qu'il y aura évidemment un événement spécial autour de ça. La personne qui sera choisie pour le 100e problème. Mm-hmm. Calice, prépare-toi. Tu vas manger une hostie. Hey, mais il y avait... C'est ça, je me rappelle du commentaire, de la petite commentaire sur iTunes. C'était pourquoi pas passer à 45 minutes, les gars? Trop long. Plus d'idées. Mais si on commence à sacrer, je pense qu'on peut... ça fait du bon remplissage. Mais oui, c'est ça. Sacré, quoi. Ouais, on pourrait roter et péter dans le micro. Là, ça, ça, on le fait déjà un petit peu, non? Ben moi, je pète, mais c'est en silence. Parce que ça sent l'hostie de Saint-Pierre. J'ai réalisé que sacrement, je le dis souvent. Sacrement. Sacrement, oui, tu dis sacrement. Les podcasts. Oui, monsieur. Désolé, Martin. Désolé. Ben écoute, s'identifier, pour s'affirmer sa nationalité. Garde ton accent québécois. Ouais. Puis même, mâchouille un peu tes mots. Oui. Force-toi pas. Dis, peux-tu avoir du bœuf avec mon ping? Calice. Non, pas calice. Du bœuf avec mon ping. Oui, elle a l'air d'un débile léger. Ouais. Voilà, c'est la solution. Tu as pas une des Françaises, le facile. Merci à Sonore hein, pour ça, pour l'enregistrement. Oui, merci. Ouais, Chris. Ouais. Tabarnak de bon son. Un Chris de bon studio. Ça sonne en esti. Ça sonne comme une tonne de tabar plate. Une tonne de tabar plate. C'est le pire épisode de vie. Ever. 83, notre chiffre malchanceux. C'est le 8-3. Ouais. C'est ça qu'on est vulgaire. Ah, moi, je trouve ça de valeur qu'on n'ait pas trouvé d'autres sacres que tabar plate. Ben attends, là... Faut accepter, Fred, quand il n'y en a pas de meilleur, il n'y en a pas de meilleur. Hostits. Non. Non? Ouais. Okay. Mais les jurons français, là, les plus populaires, il y a putain, puis sinon... Bordel de merde. Ouais. Putain, bordel. Ta mère. Ouais. Ouais, c'est rapport avec la mère, beaucoup. Calisterine. Mais ta mère, là, ça vient des Anglais avant, je pense. Des Américains. Motherfucker. Your mother. Ouais. Puis Nick, ta mère, ça venait Nick de... The motherfucker. Des yo mama jokes. Ouais. Et nous, on a tout évité ça avec grâce à l'Église catholique. Ouais. Mm-hmm. C'est passe-partout aussi. Ah oui. C'est plus grave. C'est-tu grave encore? Passe-par-plot. C'est pas chic. Plot par plot. C'est pas chic, sacré. Non. Non. Ouais, bon, mais... Hey, ça... Hein? J'appellerais ça une fin de podcast. Oui! Alors, continuez à nous écrire. Oui. Sur iTunes, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, on va vous trouver. Voilà. Donc, d'ici la semaine prochaine... Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Oh oui, Calis! Tabarnak! Un tabarnak de podcast. Plot tabarnak. Chris! Le beau tatine, toi!